auditeurs et auditrices de Radio Show, bonsoir. Lisiane vous dit bonjour en ce dimanche 4-13 juillet. Bonne journée à vous tous et toutes. Et bon dimanche. À la côte belge, les poissons venimeux et les bactéries arrivent. Méfiance. Les feux d'artifice sont limités en France pour cause de très très beau temps. Le scarabée japonais, un insecte dangereux, est repéré pour la première fois en France. Journée de l'artifice aujourd'hui. Feu d'artifice, eh bien, qui sera bien sûr reporté dans certaines régions. Les anniversaires people aujourd'hui, Bruno Salome. Demain, Dorothée. Mardi, Marcel Lupin. Mercredi, nous aurons Stewart Capalan. Jeudi, Cécile de France. Vendredi, la Grande Sophie. Samedi, Karen Cheryl. Et dimanche prochain, Ignace Ray. Voilà les anniversaires people sur les antennes de Radio Chevauchoir. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants des numéros suivants qui sont le 2, le 4, le 26, le 36, le 42, le 45 et bien sûr le 18. Pour le Joker Plus, le 209, 998, signe Lyon. Nous fêtons les Henri aujourd'hui de bonne humeur. Mais ne réfléchis pas quand il est en mouvement pour ses actes. Nous fêtons aujourd'hui, comme je vous disais, les Henri, bonne fête à vous. Et c'est la journée du feu d'artifice et de la roche. C'est une pierre qui a joué un rôle important dans la fabrique d'armes et d'outils. Si juillet est beau, prépare tes tonneaux. Ah bon, bah j'ai compris. Petite pluie de juillet ensoleillée, pluie cave et grenier. C'est parfait, formidable. On continue cette émission pour Quoi de neuf. Eh bien, n'oubliez pas que nous vous donnons rendez-vous pour l'émission Rainbow Member It ce jeudi à 18h avec Etienne. Mais vous pouvez avoir déjà une rediffusion consacrée à Frédéric François ce dimanche à partir de 14h. Et la comédie musicale Nini La Chance. En parlant de comédie musicale, eh bien, juillet et août, vous n'en aurez pas sur ton congé. De même que l'émission pour Robert et ses invités. Mais nous vous parlons d'émission. N'oubliez pas, mardi à 10h, votre animateur Julien, comme tous les troisièmes mardis du mois. Ce jeudi à 14h, vous aurez Jean-Paul et Jean-François. Et à 18h, comme je viens de vous le dire, Étienne et son émission Remember It avec Jean-François. Les activités de Radio Chevauchoir, on vous rappelle que prochainement, nous avons l'occasion de vous proposer de voyager. Ce sera pour le 24 août aux Eaux d'Amnéville. Et également, vous aurez la possibilité le 9 août d'aller à la mer à Ostende. Et vous aurez l'occasion également de retrouver tous ces petits voyages sur la liste Radio Chevauchoir. Donc, pour la prochaine festivité, nous reprendrons au mois d'août et ce sera un jeu bingo à partir de 15h le dimanche 3 août. Nous avons l'étoile semaine. La semaine dernière, je vous parlais des fontaines à eau qui produisent du bien pour la santé. Aujourd'hui, on va terminer cette liste avec le prochain qui est Sainte-Maine, qui se trouve près de Pêche, construit en 1855 et rénové en 1935. Guérisseur de la peau de l'eczéma, elle contient du soufre et convient bien sûr à guérir les maladies de la peau. Vous avez également la fontaine à Laeken qui a été construite en 1625 par Isabelle. Et bien sûr, cette fontaine à pierre reliée à la source de l'avenue est appelée la Sainte-Anne pour les crampes. Vous avez la dernière fontaine que je vais vous citer. Elle est astrée. C'est la fontaine Geneviève. Maladie de la peau et de l'eczéma également. La bonne musique, le soleil et les vacances, c'est avec Radio Chevauchoir. Voici votre apéritif musette, comme chaque dimanche matin. Bienvenue dans cette émission jusqu'à 12h. Merci de votre fidélité, quoi que vous fassiez ou que vous soyez, passez un bon dimanche. Notre numéro d'appel, si vous voulez me joindre pour un renseignement, une dédicace, un petit bonjour, passer à ce numéro. 091 13 86 81. Téléphonez-nous. Également à tous les Henri avec une bonne journée. Et la pensée positive aujourd'hui, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Parrain, marraine de ce dimanche matin, Simone de Denis, Mimi de Crupet, Monique et François de Dorine, Nicole de Staff, Loulou d'Ivoire, Marie-Jean du Gaunois, Viviane de Givet, Didier et Françoise de Noville, Josette et Émile de Bioul, Alain Denis de Malone, Nicole d'Andois, Monique de Buzet, Papy Georges Thon, Nicole de Sazine, Robert et Yves de Couvin, Luce de Mettet, Karine et David de Courrière, Gisèle de Jeff, Léonard du Gaunois, également Eliane de Profondeville, Josette Francine, Monique et Daniel et Chantal de Bremagne. Merci parrain et marraine et bon dimanche à l'écoute de Radio Chevauchoir. Et je vais remettre un petit bonjour à toutes les personnes qui étaient en voyage hier à la mer en espérant qu'ils sont bien rentrés et bien reposés. On vous souhaite un bon dimanche.